C'est horrible, dit l'un. Ce n'est pas mangeable, répliqua l'autre. C'est de la viande qui a trop marché, dit Paganel. Le guanac n'est bon que lorsqu'il a été tué au repos. Sur ce, chacun s'enveloppa de son poncho. Seul Glenarvan ne dormit pas. Il songeait involontairement à ce troupeau, fuyant dans une direction commune. Il avait le pressentiment d'un danger prochain. Cependant, peu à peu, les craintes firent place à l'espérance. À un certain moment, il crut surprendre des grondements éloignés, sourds. Ces grondements ne pouvaient appartenir qu'à un orage déchaîné sur les flancs de la montagne. Glenarvan voulut constater le fait et sortit. L'atmosphère était limpide et calme. Pourtant, les grondements duraient toujours. Il regarda sa montre, qui marquait 2 heures du matin. Il tomba lui-même dans une lourde somnolence qui dura plusieurs heures. Tout d'un coup, de violents fracas le remirent sur pied. Soudain, Glenarvan sentit le sol manquer à ses pieds. Il vit la casucha osciller et s'entrouvrir. « Alerte ! » s'écria-t-il. Ses compagnons, tous réveillés et renversés pêle-mêle, étaient entraînés sur une pente rapide. Le jour se levait alors, et la scène était effrayante. « Un tremblement de terre ! » s'écria Paganel. C'était un de ces cataclysmes fréquents sur la lisière montagneuse du Chili. Cependant, le plateau auquel se cramponnait cet homme, accroché à des touffes de lichens, étourdi et épouvanté, glissait avec la rapidité de l'express. Ce que dura cette chute indescriptible, nul n'aurait pu l'évaluer. Étouffé par la vitesse de la course, glacé par l'air froid qui les pénétrait, aveuglé par les tourbillons de neige, tous haletaient, anéantis, presque inanimés, et ne s'accrochaient au roc que par un suprême instinct de conservation. Tout d'un coup, le plateau s'arrêtait, net. Le major regarda autour de lui. Ses compagnons étaient renversés les uns sur les autres. Il les compta. Celui qui manquait, c'était Robert Grant.